La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on voir la physique quantique ? Au cours des années 1925-1935, une nouvelle façon de voir les choses du monde, la physique quantique, fut mise sur pied afin de rendre compte du comportement apparemment bizarre des atomes et des molécules. Des concepts radicalement neufs furent alors inventés, qui conduisirent les physiciens à penser autrement la matière et ses interactions. Au bout du compte, une décennie d'effervescence créatrice et d'intense labeur a suffi pour qu'un petit nombre d'entre eux, héros de l'esprit d'ouverture, fondent l'une des plus belles constructions intellectuelles de tous les temps. Mais, bien que presque centenaire, le formalisme de la physique quantique, constitué d'équations inédites aux implications étranges, conserve la réputation d'être abstrait, contre-intuitif, éminemment paradoxal, quasi incompréhensible. Il continue en outre de poser des questions vertigineuses à propos de la bonne façon de l'interpréter. Comment les équations se relient-elles aux expériences? Selon quelles règles les utiliser? Quel type de discours sur la réalité cette nouvelle physique autorise-t-elle? La physique quantique ne se réduit toutefois pas à un jeu d'équations désincarnées, ni à une liste de formules abstraites qui planeraient avec un air hautain dans l'empyrée des idées pures. Elle est aussi affaire d'expériences de laboratoire, c'est-à-dire de câbles, de boulons, de bobines, de cloches, de bouts de scotch, de fer à souder, de papier alu, de pompes à vide, d'appareillages de toutes sortes, bref, affaire de bricolage et même de bidouille. Ce qui amène à poser les questions suivantes. Existe-t-il des expériences qui, en dessous des équations, permettent de palper la chair du monde quantique? Qui le donne à voir de façon concrète? Si oui, quelles sont ces expériences? Et est-il possible d'en parler à la radio? Par exemple, dans la conversation scientifique. C'est ce que nous allons voir avec Julien Bobroff, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur à l'Université Paris-Sud. Vous dirigez une équipe de recherche dont le nom est bizarre, c'est la physique autrement. Ça veut dire peut-être qu'il y a une nouvelle façon, sinon de faire de la physique, du moins de l'enseigner. Oui, de l'enseigner ou de la donner à voir. Et vous venez de publier un ouvrage chez Flammarion qui s'intitule « Mon grand mécano quantique », dans lequel vous racontez un certain nombre d'expériences cruciales dans l'histoire de cette physique qui ont permis de valider des concepts très bizarres parfois que les pères fondateurs avaient mis sur pied. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Vous pensez qu'on présente la physique d'une façon trop abstraite, trop théorique? Alors souvent on présente la physique quantique à travers ses concepts et puis à travers aussi ses théoriciens géniaux, hein, Niels Bohr, Einstein lui-même ou Schrödinger. J'avais envie de raconter la physique quantique telle que moi je la connais, telle que moi je l'ai découvert dans les laboratoires. Et c'est une physique incarnée vraiment dans la matière qu'on doit mesurer et qui va se révéler à travers l'expérience. Et je voulais raconter peut-être cette autre vision de la quantique à travers l'œil même de ceux qui ont fait les premières découvertes quantiques et qui leur ont jailli au visage. Et qui ont été très surprenantes. Alors, il y a deux sortes de physiciens, dit-on souvent. Il y a les théoriciens et les expérimentateurs. Vous vous revendiquez comme expérimentateur. Il y a beaucoup de clichés autour de ces deux catégories. Oui, on a l'impression que le théoricien, il est dans son bureau isolé, il produit des belles équations, parfois à un moment donné un eureka, et puis il sort une belle théorie qui va aller dans le labo d'à côté, donner à l'expérimentateur qui va essayer de valider ça à la façon d'un travaux pratique, un peu comme on nous apprend quand on est étudiant. Les théoriciens sont des êtres contemplatifs, rêveurs, en marge, déconnectés du réel véritable, gravement dépourvus de sens pratique. On imagine qu'ils discernent dans la matière toutes sortes d'objets invisibles mais peinent à reconnaître leurs voisines de palier, que ce sont des êtres improbables ayant volontiers la tête ailleurs, à l'instar de Louis XVI au sortir de la guillotine, et qu'ils sont incapables de se préoccuper de choses bassement matérielles. Évidemment, c'est un cliché. Mais quel est le cliché qui correspondrait symétriquement aux expérimentateurs? On pourrait les imaginer, expérimentateurs, espèces de bricolos géniaux, qui sont face à leurs boulons, à leurs vis, à régler leurs pompes et à rien comprendre du réel non plus, mais dans une espèce d'atelier en permanence, et à tester les équations des théoriciens. Et en fait, ces clichés sont vraiment loin de la réalité que moi, je l'ai pu la vivre dans un labo de physique quantique. Mais quel rapport vous portez sur la théorie? Elle vous semble trop abstraite? Vous la soupçonnez d'être idéalisée, loin du réel concret? Ah non, pas du tout. Vous la respectez? Ah, je la respecte complètement. Je suis physicien avant tout, hein, et cette distinction expérimentateur-théoricien, elle arrive qu'à la toute fin de la formation d'un physicien. Je crois que l'expérimentateur va être d'abord là pour essayer de voir si cette théorie a du sens ou pas, la valider, l'invalider, et faire ce travail de tester le réel. Je crois que aussi, c'est peut-être là où il faut s'écarter de ces images d'Épinal, l'expérimentateur, il va aussi essayer d'explorer. Et d'explorer ce qui n'est pas dit par la théorie. Et souvent, il va être, et c'est toute l'histoire de la physique quantique, en avance sur la théorie. Et parfois, il va découvrir des phénomènes, il va découvrir des objets, il va découvrir aussi des concepts de l'expérience, de la matière réelle qu'il est en train de mesurer, et qu'il va devoir ensuite renvoyer vers le théoricien pour qu'il essaye d'en faire sa sauce et d'en créer un modèle. Alors, en exergue de votre livre, Julien Bobrov, vous citez le grand Richard Feynman, grand physicien, théoricien pour le coup. Grand théoricien. Prix Nobel, et qui dit ceci, « Peu importe comment votre théorie est belle, peu importe votre intelligence, peu importe si vous êtes célèbre, si votre théorie n'est pas en accord avec l'expérience, elle est fausse, c'est tout. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a ce côté quand même brutal de la physique qui nous ramène à la réalité, à la mesure du réel. Mais que l'expérience soit l'arbitre final d'une controverse ou d'un énoncé théorique, je suis d'accord, mais dans l'histoire, il y a beaucoup d'expériences qui ont montré des résultats qui n'étaient pas en accord avec la théorie, et c'est la théorie qui avait raison. Alors, je veux dire que l'interprétation de l'expérience n'était pas bonne. Je vous donne juste un exemple que vous connaissez par cœur. Dans les années 20, on découvre un peu mieux ce qu'est la radioactivité bêta. C'est un neutron qui devient un proton plus un électron. Et la loi de conservation de l'énergie implique, dans ce cas-là, que l'énergie de l'électron qui sort est toujours la même. Or, les mesures, l'expérience, montrent que ça n'est pas vrai. Des physiciens très nombreux disent « c'est la preuve que la loi qui dit que l'énergie se conserve est fausse ». Et puis, il y en a un que vous citez d'ailleurs dans votre livre, Wolfgang Pauli, qui dit « ben non, il y a peut-être une troisième particule qui emporte l'énergie manquante. Et cette particule, on va la découvrir 25 ans plus tard, c'est le neutrino. » Donc, à la fin, l'arbitre, c'est l'expérience, puisqu'il a fallu détecter les neutrinos, montrer qu'ils existent. Mais pendant quelques années, il y avait une contradiction entre la théorie et l'expérience, sans qu'on ait à remettre en cause la théorie. Oui, pour le dire brutalement, les théories peuvent se tromper, les expériences peuvent se tromper dans la façon dont on les interprète. Mais in fine, c'est quand même la mesure du réel et de la nature, et c'est ça que dit Feynman, qui va sanctionner et qui va dire si une théorie est bonne ou pas. Mais à nouveau, je ne veux pas restreindre le champ de l'expérience à ça, parce que très souvent on dit, l'expérience, elle va dire le vrai du faux. L'expérience se fait elle-même un peu coincée là-dedans et dans ce rôle parfois ingrat. Je pense que l'expérience, souvent, avant la théorie, va soudain faire jaillir des résultats dont la théorie va essayer de s'emparer ensuite. Pauli, c'est un très bon exemple. Ça va être des expériences 10, 15, 20 ans avant, à travers l'effet Zeeman, à travers Stan et Gerlach, qui vont faire sentir aux physiciens qu'il y a quelque chose de troublant avec l'électron qu'on n'a pas complètement compris. Et Pauli qui arrive après et qui invente cette idée de spin, qui sera ensuite mieux comprise par Uhlenbeck et Goudsmit, et qui va permettre, après coup, quelques années après, de comprendre des expériences qui étaient gravées dans le marbre. Là, vous allez trop vite. D'accord. On va peut-être commencer l'histoire par, non pas le début, mais par une étape importante qui est la découverte expérimentale, pour le coup, de l'atome. Comment ça s'est passé au début du XXe siècle? L'atome, c'est une histoire incroyable. Il faut attendre déjà le début du XXe siècle pour démontrer que les atomes existent. Ce qui est assez troublant, hein, parce qu'on manipule les atomes déjà au XIXe siècle à travers la chimie, à travers la table périodique, en se convainquant de façon indirecte qu'ils existent. Il faut attendre Jean Perrin. Jean Perrin, c'est un Français. On est juste avant la Première Guerre mondiale, 1908-1909. Hein, et après sa thèse, qui était déjà très brillante, il décide de s'attaquer au problème de la détection des atomes, voir un atome. Hein, ça rejoint la très belle introduction que vous avez faite. Évidemment, l'atome, il ne peut pas le voir directement, parce qu'un atome, ça fait un 10 milliardième de mètre, donc c'est compliqué à voir avec les outils de l'époque. Et donc, il va essayer de développer de façon indirecte des expériences pour voir l'atome. Et c'est vraiment des expériences très concrètes. Hein. Ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il prend des petites billes de plastique, de caoutchouc, qu'il extrait, lui, à l'époque, d'un arbre en Malaisie, de la gomme gutte. Il place ça dans un liquide, dans un bécher, dans un grand tube, et il les observe. Et ce qu'il voit, c'est que ces petites billes s'agitent en permanence. Elles sont vraiment petites, elles font un millionième de mètre à peu près. Et il les voit s'agiter en permanence, et il comprend, notamment aidé par les théoriciens de l'époque, et Einstein en premier, que ce mouvement incessant de ces petites billes, en fait, est dû au choc qu'elles subissent des atomes, des molécules, en l'occurrence, du liquide dans lequel elles sont plongées. Attendez, il le comprend ou il l'a lu chez Einstein? Alors, on peut dire un peu les deux, parce que Jean Perrin n'attend pas Einstein pour faire ce genre d'expérience et pour essayer de détecter la présence des atomes indirectement. Donc, il va essayer de le faire d'autres façons détournées. Et Einstein, ça va être peut-être presque une des dernières façons qu'il va trouver de montrer l'existence des atomes dans ce même genre de mesure dans un liquide de mouvement de petites billes. Et donc, c'est une expérience très délicate et hyper ingénieuse. Enfin, c'est vraiment un travail magnifique d'expérimentateur. Je trouve qu'il faut admirer parfois l'expérience autant qu'on admire la théorie pour la beauté des dispositifs mis en place. Lui, il va mettre un microscope horizontal, il va fabriquer une chambre claire, il va projeter sur la table, sur du papier millimétré, le mouvement de ces petites billes qu'il va suivre avec son assistant en direct. Et en regardant ce mouvement, le mouvement brownien, il va être capable de remonter, à travers l'artillerie aussi développée par Einstein, à la taille des atomes et à leur nombre. Il va se rendre compte que ce nombre correspond exactement avec un nombre trouvé par d'autres théories à l'époque, en particulier la thermodynamique. Et ça, ça va être une preuve irréfutable de l'existence des atomes, puisqu'ils sont trouvés en quelque sorte, vus de façon indirecte, par deux théories différentes. Enfin, ils sont vus en l'occurrence par leurs effets. On est en 1906 à l'époque, c'est 1908, ça 1908-1909, l'article oui. d'Einstein, c'est 1905. Oui. Je crois que Jean Perrin en a eu connaissance par l'intermédiaire de Langevin, Paul Langevin. Et donc la démonstration expérimentale de l'existence des atomes, c'est 1908, oui. Mais au moment où il est découvert de cette façon, il ressemble à l'image que les atomistes grecs s'en faisaient. Il faut très peu de temps pour que cette image soit complètement démontée, justement par des expériences. Oui, elle est très vite démontée par des expériences. En fait, ces expériences existaient avant, c'était les expériences des spectres atomiques. Quand on regarde la lumière émise par un atome, elle est très curieuse, elle est très discontinue. Elle ne donne pas tout le spectre de lumière auquel on pourrait s'attendre. Donc ça va être la première évidence indirecte du côté quantique de l'atome. Mais l'expérience clé, l'expérience vraiment fondatrice qui va montrer cet aspect quantique et convaincre tous les physiciens de l'époque, on la doit à Otto Stern. Alors ça va vous faire plaisir parce qu'Otto Stern, c'était un ancien assistant d'Einstein. Et c'est un des rares bonhommes que je connaisse qui se soit converti de la théorie vers l'expérience. Il a commencé sa carrière avec Einstein, carrière brillante. Puis Première Guerre mondiale, il est obligé de faire de la météorologie. Et après la Première Guerre mondiale, il décide de revenir aux expériences et de devenir expérimentateur avec un autre physicien, Gerlach. Ils vont à Francfort, dans le labo de Max Born. Et là, il se dit, est-ce que je pourrais essayer de montrer la nature quantique de l'atome, maintenant qu'on sait que ces atomes existent grâce à Jean Perrin. Donc il va faire cette expérience incroyable, il va arriver à envoyer les atomes presque un par un, à travers un jet, en gros, à travers des petites fentes, pour les détecter finalement sur une plaque froide, des atomes d'argent. Alors dans un premier temps, il les détecte pas, et en fait c'est en fumant le cigare que la fumée très riche en soufre va révéler, un peu comme les anciennes photos, l'argentique, va révéler l'argent sur la plaque. Et donc après, ils vont développer ces plaques comme des plaques photo, en fait, faire de la photo argentique. Ils vont se rendre compte là que la tâche qui sont censés observer, c'est-à-dire ces atomes qui arrivent dans tous les sens, quand on applique un champ magnétique, les atomes sont déviés. Ça, c'est pas très surprenant, hein. L'atome pourrait être magnétique après tout. Mais les tâches qu'ils observent, ils en observent deux, alors qu'ils devraient en observer une grosse, un peu diffuse. Autrement dit, les atomes ont l'air de choisir arbitrairement deux directions privilégiées, en haut, en bas, et aucune autre. Et c'est très très beau cette découverte, parce que Stern se rend immédiatement compte de la congruité de cette mesure, en est surpris, en est fasciné. Et le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de prendre la mesure elle-même, d'en faire une carte postale et de l'envoyer au pape de la quantique de l'époque, Niels Bohr, celui qui a vraiment dit le premier que l'atome était quantique, en lui disant « Vous aviez raison, monsieur Bohr, l'espace est quantifié, l'atome est quantique. » Mais quand je vous disais qu'il y a un va-et-vient entre théorie et expérience, ce qui est assez remarquable, c'est qu'en fait, il n'a pas bien compris cette expérience, et Niels Bohr non plus. En réalité, c'est grâce à Pauli, quelques années plus tard, qu'on va comprendre pourquoi il y a ces deux tâches, parce que l'électron a une propriété qu'on n'avait pas comprise à l'époque, qui est le spin, qui est une propriété intrinsèque qui va être pour la première fois intuité par Pauli. La direction du spin détermine l'orientation de la particule dans un champ magnétique donné. Oui, et ça, chose c'est fascinante, le spin, il ne peut être que vers le haut ou vers le bas. Il est quantifié, comme on dit, et ça c'est 1922. Oui, c'est ça. C'est-à-dire avant que l'idée même de spin soit formulée par Pauli en 1925. Exactement. Elle est formulée d'abord par Pauli, puis ensuite reprise par Uhlenbeck et Goudsmit, qui font vraiment le modèle pour montrer que c'est vraiment une propriété intrinsèque. C'est même pas un électron qui tourne, contrairement au mot spin, qui veut dire tourner en anglais. Qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'électron, une propriété quantique, qui explique après coup l'expérience fascinante de Stern et Gerlach. En vous écoutant, on retrouve des choses qu'on lit dans votre livre, à savoir que vous mettez en scène des personnages. C'est quand même des gens assez incroyables. C'est des gens incroyables. Les pères fondateurs de la mécanique quantique, aussi bien les théoriciens que les expérimentateurs, sont des gens un peu obsédés, opiniâtres, qui se rendent compte que le sol est en train de se dérober sous leurs pieds et qui essaient de comprendre un nouveau monde. Et c'est des gens fascinants. Otto Stern en est un bel exemple, c'est vraiment mon préféré. Otto Stern, il dit lui-même qu'il ne croit pas à la quantique. Je crois qu'il dit avec Max von Laue, si ce modèle absurde de Bohr, le modèle de la quantique, doit être finalement démontré, nous abandonnerons la physique. Il est assez sûr de son coup. Mais c'est ça qu'il y a d'assez remarquable, c'est que c'est des gens d'une ouverture incroyable. Il a quand même eu le prix Nobel. Il a le prix Nobel, ça va même être celui le plus nominé pour avoir le prix Nobel avant de l'obtenir, de tous les physiciens. Hein, il va être nominé, je crois, 80 fois avant d'obtenir le prix Nobel. 80 fois ? Oui, par 80 personnes différentes. Okay. Non, pas au bout de 80 ans. Il a eu 43. Ouais. Donc c'est un physicien remarquable qui va continuer à faire des découvertes incroyables avec sa technique de jet moléculaire. C'est lui qui va montrer, par exemple, que le noyau, le proton, qui est dans le noyau de l'atome, peut lui aussi porter un spin. Et Stern va suivre toute cette aventure de la quantique, au début peu convaincu, mais en se laissant démontrer par ses propres expériences qu'elle est là, qu'elle est sous ses yeux, qu'il est en train de la voir en réalité. Il y a aussi des cas que vous racontez très bien, Julien Bobroff, où des expérimentateurs découvrent des résultats qu'ils ne comprennent pas Et c'est des rencontres un peu par hasard avec des théoriciens qui font que tout d'un coup, ça prend sens et on arrive à comprendre ce qu'on a vu. Et il y a un cas très intéressant, on connaît tous deux noms, quand on a fait un peu de physique, Davison et Germer. Clinton Davison et Germer, son prénom c'était... Je ne sais plus. Moi non plus. C'est quoi, c'est Davison qui compte vraiment. Oui, c'est Davison, notamment grâce à ses vacances. Oui, alors Davison, c'est un type étonnant. C'est un Américain qui travaille à la compagnie de téléphone américaine et qui a un très beau centre de recherche à l'époque, la Bell Labs. Et lui, il travaille vraiment sur comment est-ce que le métal résiste à différents chocs, hein, le métal qu'on pourrait utiliser justement pour les installations électriques des téléphones. Et en particulier, lui, il s'intéresse au nickel. Et quand on balance des électrons sur du nickel, comment ça se passe? Et ce qu'il observe, c'est que les électrons partent dans tous les sens, n'importe comment. Et il va passer plusieurs années à essayer de mesurer ça proprement et à ne rien comprendre à ce qu'il mesure. Jusqu'au jour où, coup de chance, inattendu, il y a une explosion dans le laboratoire, sa cible de nickel fond littéralement et se reconstruit en un très beau monocristal, un peu comme un diamant, hein. Les atomes s'organisent bien. Et là, soudain, les électrons partent dans certaines directions privilégiées. Quand il refait la même expérience. Mais il ne comprend absolument pas ces directions-là. Lui, il s'attendait à ce que les électrons passent entre les atomes ou pas, et ça ne correspond pas du tout à ce qu'il mesure. Et là, coup de chance, effectivement, il part en vacances en famille, en Angleterre, on est en 1925. Et même s'il est en vacances, il va à la conférence de Max Born, un des futurs très grands noms de la physique quantique. Lui ne connaît pas grand-chose à cette nouvelle physique. Et là, il entend Max Born dire en direct qu'un jeune Français, Louis de Broglie, a inventé un nouveau concept génial, la dualité, et qu'un Américain brillant, Davison, aurait démontré ce concept. Alors lui, Davison, dans la pièce, n'ayant jamais entendu parler de de Broglie, complètement sidéré. Donc on voit bien ce que vous dites là, c'est-à-dire une espèce de simultanéité. Cité, il est dans la salle, il est cité. Il est cité, il est dans la salle. On dit de lui qu'il a démontré le concept de Louis de Broglie. Il n'a jamais entendu parler de celui de Broglie. Donc quand il va rentrer aux États-Unis, il va très très vite essayer de lire ce qu'a fait Louis de Broglie. Et se rendre compte à ce moment-là qu'en fait, ce qu'il est en train de mesurer depuis plusieurs années sans s'en rendre compte, c'est le fait que les électrons ne se comportent pas comme des petites billes, comme des particules, mais se comportent comme des ondes, des espèces de vagues dans la mer, et que des ondes qui interfèrent avec des atomes ne partent pas dans les mêmes directions que des petites billes. J'ai retrouvé en vous lisant le prénom de son partenaire, Lester Germer. Lester Germer. Lester Germer. Voilà. D'ailleurs, c'est Davison qui aura le prix Nobel et pas Germer, qui était son assistant. Bon, ils sont quand même associés dans les manuels. Bon. Quand on parle de mécanique quantique, assez rapidement intervient l'histoire du chat, le chat de Schrödinger, et vous avez un très beau chapitre qui raconte comment, avec de la lumière finalement, avec des photons, des grains de lumière, on arrive à fabriquer des, disons, des micro-chats dont on peut faire croître la taille pratiquement à volonté, et voir le monde passer d'un état, disons, quantique à un état classique. Oui, ce qu'il y a d'incroyable avec cette histoire du chat Schrödinger, qui fascine tout le monde, et moi ça m'a fasciné le premier, c'est que sa résolution expérimentale, elle est toute récente. Elle est française, hein. C'est Serge Haroche qui vraiment arrive à traiter le problème proprement, il aura le prix Nobel pour ça. Et on est à la fin des années 90, hein, 1996-97 à peu près. Donc c'est une histoire qui commence là pour le coup avec les théoriciens, hein, avec Schrödinger et ses dialogues avec Einstein, et cette idée géniale de proposer une expérience de pensée, dont Schrödinger dit lui-même, elle ne sera jamais faisable parce qu'on saura jamais manipuler un atome ou un électron, et qui va être en réalité faisable 60 ans plus tard. Alors l'expérience elle-même, en quoi consiste-t-elle? En deux mots, hein, c'est dur de la décrire simplement, mais l'idée, c'est de fabriquer un objet quantique qui soit dans deux états à la fois, et d'essayer de voir s'il survit aux choses qu'on va lui faire subir. Alors l'objet quantique que choisit Serge Haroche, c'est une espèce de champ électromagnétique fait de lumière, donc c'est plein de grains de lumière mis ensemble, et puis pour les faire survivre suffisamment longtemps, il les coince entre deux miroirs, de sorte qu'ils rebondissent sur les miroirs, et donc ça permet de les maintenir longtemps dans une enceinte. Ensuite, il se débrouille pour les superposer dans ces deux états, en utilisant une astuce avec un atome spécial qui va les transformer dans deux états. Et donc soudain, on a un chat de Schrödinger lumineux. Alors c'est pas un chat tel qu'on pourrait l'imaginer à grande taille, hein. Ce chat il fait quelques dizaines de photons. Et ensuite, ce que va faire Serge Haroche, c'est, avec son équipe, arriver à mesurer si au bout d'un certain temps, ce chat arrête d'être dans deux états ou pas, si on lui fait subir quelque chose. Et ce dont il se rend très vite compte avec ses collègues, c'est que ce qui compte, c'est à quel point on fait interagir le chat avec son environnement. Si par exemple, on laisse le chat interagir avec la chaleur qu'il y a autour de lui, au bout de quelques millisecondes, il arrête d'être dans deux états et il choisit s'il est mort ou vivant, si on reprend l'analogie de Schrödinger. Et donc ce que montre Haroche, c'est que en effet, à l'échelle de la physique quantique, on peut mettre un objet dans deux états superposés, mais que ça ne tient pas très longtemps. Et que ce temps-là, il va être capable de le mesurer, et que ce temps-là, il n'est pas du tout lié à, je ne sais pas, une conscience humaine, ou le type qui mesurerait ça, ou autre, hein, tout ce qu'on a pu entendre dire. Il est littéralement relié à l'interaction entre le chat et son environnement. Si vous mettez beaucoup d'air, beaucoup de lumière, si vous mettez de la matière, si vous mettez un instrument de mesure, le chat va devoir choisir. Et ça sera d'autant plus rapide que le système en question est plus complexe, disons. Exactement. Plus il y a de photons dans ce chat, plus il est gros, plus ça s'arrête vite. Mais ce que voulait démontrer Schrödinger par cette sorte d'expérience de pensée, qu'il a rédigée dans sa correspondance avec Einstein, c'est que si les lois quantiques qu'on observe à l'échelle des particules étaient vraies à l'échelle macroscopique, à notre échelle, le monde nous apparaîtrait complètement différent. Oui. Donc il y a quelque chose qui se passe entre les deux échelles qui fait que notre monde est classique, alors qu'il devrait être quantique. Oui, et c'est parce qu'il est composé de beaucoup d'atomes, de lumière et de matière. En gros, c'est ce passage au macroscopique qu'arrive à sonder Haroche de façon propre, c'est-à-dire le fait que cette superposition quantique absolument fascinante, on ne peut pas l'extrapoler à notre échelle. Je crois que c'est important de le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de pseudo-sciences qui s'emparent de ces paradoxes pour dire que ça pourrait expliquer des tas de choses sur le cerveau, la conscience, l'être humain, etc., etc. Et ce que montre très clairement Serge Haroche dans son expérience, c'est que non. Si on voulait vraiment avoir, par exemple, un être humain qui montre des effets de superposition d'état, il faudrait le refroidir au zéro absolu, il faudrait le mettre dans une enceinte ultra-vide, il faudrait faire le noir, et encore là, ça serait difficile de voir des effets de superposition. Moi, c'est une expérience que vous connaissez très bien, puisque vous la décrivez en détail dans votre livre, en termes que chacun peut comprendre, quitte à s'accrocher un petit peu, mais qu'est-ce qui vous fascine dans cette ingéniosité de l'expérimentateur ? Tout me fascine. D'abord, l'échelle de temps me fascine. Le fait que, dans cette expérience-là, par exemple, Serge Haroche, avec toute son équipe, mette 20 à 25 ans pour arriver à la solution à ce problème. Cette obstination me fascine. La technicité. Je vous ai parlé des miroirs. Ces miroirs sont les meilleurs miroirs au monde. Il a fabriqué des miroirs en niobium, avec aussi des couches de cuivre, refroidis à 0,2 degrés de zéro absolu pour qu'ils soient supraconducteurs. Quand on met un photon là-dedans, il peut rebondir entre les miroirs pendant 40 000 kilomètres avant de s'évanouir. Les lasers sont également d'une incroyable sophistication. La fabrication des atomes l'est aussi. Et donc cette expérience qui sert juste à repousser les frontières de notre connaissance, et qui a priori en tant que telle n'a pas forcément de grande utilité, va développer des technologies, un savoir-faire et une science absolument fabuleuse pour piéger ces atomes, les déplacer, les faire interagir avec la lumière, etc. etc. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors je l'ai pas dit, Julien Bobrov, mais vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, notamment de physique du solide, notamment d'un phénomène fascinant qui s'appelle la supraconductivité. Il y en a un autre qui lui est un peu lié, c'est la superfluidité. Comment est-ce qu'elle a été découverte, cette supraconductivité? Le fait que certains corps ne posent plus de résistance au courant électrique dès lors que leur température est suffisamment basse. Est-ce que ça avait été prédit avant de découvrir? Pas du tout. Donc, très belle expérience faite en 1911 par un Hollandais, Kamerlingh-Onnes. On est même au tout début de la physique quantique, et lui-même n'est pas du tout dans la physique quantique. Lui, son truc, c'est la thermodynamique à l'époque. Hein. C'est l'élève de van der Waals. Donc on est dans cette culture de comment un matériau change de phase quand on le refroidit. C'est la guerre du froid entre les labos. C'est un peu ça. Donc il y a une guerre entre l'Angleterre notamment, la Russie, la France et puis la Hollande. Hein. Et c'est lui qui va gagner cette guerre en arrivant à rendre l'hélium liquide. Et donc pendant quelques années, on va dire que c'est le scientifique le plus froid du monde. C'est celui qui a le laboratoire où on peut faire les mesures à la plus basse température. Peut-être 5, 10, 20 fois plus froid que ce qui se faisait à l'époque. Et donc il sait qu'il est le premier à mesurer les propriétés de la matière à basse température. Il va faire ça assez systématiquement. Il va même recevoir en 1911 Marie Curie avec un bout de radium dans la poche qui va tester si le radium marche encore et s'il y a encore de la radioactivité à basse température. En l'occurrence, la réponse est oui. Et donc il fait toutes ces mesures-là et un jour, il fait la mesure du courant électrique. Est-ce que le courant circule mieux ou moins bien quand je le refroidis? Et à l'époque, il y a des prédictions de théoriciens, notamment Kelvin, qui avait prévu que quand on refroidit beaucoup un métal, eh ben, il va se geler, les électrons vont se figer, donc ils ne vont plus conduire le courant. Donc on devrait avoir un isolant. Il fait l'expérience. Lui, sa devise, c'était « par l'expérience, la connaissance ». Il disait bien ça à travers sa devise. Et il teste le métal, il le refroidit. On est en avril 1911. Alors l'expérience est incroyable. Hein. L'expérience est très délicate parce qu'il faut mesurer un courant électrique très faible dans une marmite plongée à moins 270, moins 269 degrés Celsius. Donc on est à 2-3 degrés du zéro absolu. Tout vibre dans la pièce de façon monstrueuse parce que c'est d'énormes pompes qu'ils ont piquées à l'armée française d'ailleurs à l'époque. Il va être obligé en fait d'envoyer un des physiciens, Gilles Holst, dans la pièce d'à côté pour faire les mesures électriques. Parce que les mesures électriques à l'époque, on n'a pas d'ordinateur pour les faire. On les fait en gros en regardant un petit point lumineux se déplacer lié à un effet électrique sur un miroir. Et donc ça vibre trop dans la pièce, le point lumineux fait n'importe quoi, donc on l'envoie à côté, il parle à travers un tuyau, pas de téléphone. Hein. Et ce qu'il mesure est littéralement sidérant, il mesure que, en dessous d'une certaine température, on est à 3-4 degrés de zéro absolu, c'est exactement l'inverse de ce qui était prédit qui se passe. Non seulement le métal conduit mieux, mais il conduit de façon parfaite. Il n'y a absolument plus de résistance électrique dans le métal. Donc là on voit bien un phénomène inattendu. Mais je parlerai pas de hasard. Souvent, les gens disent, oh là là, il a eu un coup de chance. Pour moi, l'inattendu, ça n'est pas le hasard. Et en science, je trouve qu'on prête trop au hasard. C'est-à-dire que c'est un type qui, pendant 15 ou 20 ans de sa vie, a voulu mesurer ses propriétés à basse température et s'en est donné les moyens. Et c'était le seul au monde à pouvoir le faire à l'époque. Par contre, le fait qu'il ne mesure pas ce à quoi il s'attendait, moi, ça me dérange pas et je trouve ça même plutôt plaisant. Mais est-ce que ça a été expliqué aussitôt? Alors, ça a été expliqué 50 ans après. Il a fallu attendre les années 60, Bardeen, Cooper et Schrieffer aux États-Unis pour le comprendre. Et c'est pas que personne s'y était intéressé avant. Einstein, Feynman, Landau, tous les grands, grands physiciens ont essayé de comprendre cette supraconductivité sans y arriver. Donc là, on a un des cas extrêmes de l'expérience en avance sur la théorie. On sent que vous jubilez en racontant ça. J'adore ça. Alors, j'adore ça, j'exagère un petit peu. Quand c'est si long de comprendre, ça devient pénible, y compris pour les expérimentateurs. Mais est-ce que l'explication qu'on en donne peut être dite simplement, ou est-ce que le temps qu'il a fallu pour la trouver est l'indicateur qu'elle est très complexe ? Ah, c'est une belle question. Je pense qu'il y a quand même quelque chose dans la complexité qui se joue. C'est-à-dire que l'explication n'est pas simple et n'est pas évidente. Sinon, à mon avis, des gens comme Einstein, Landau, Feynman l'auraient trouvé plus tôt. Donc elle est un peu subtile, mais on peut la dire en deux mots. Hein. Allez-y. Ce qui se passe dans le métal, dans un métal d'abord, ne le refroidissons pas tout de suite. Dans un métal, les électrons se comportent comme des petites vagues, comme des petites ondes, à l'image de ce qu'on a raconté juste avant sur la dualité. Quand on les refroidit, ces vagues ou ces électrons circulent mieux parce que les atomes vibrent moins, mais ça reste des vagues un peu individuelles. Dans un supraconducteur, tous ces électrons arrivent à se coupler ensemble, à se former une vague géante quantique, donc formée par l'ensemble des électrons. Comment ils arrivent à faire ça? Normalement, ils ne peuvent pas y arriver. C'est ça qui va poser problème à tous les théoriciens, parce que assez vite, London notamment, comprennent cette idée de grande vague quantique. Mais on ne comprend pas comment elle peut être formée, parce que deux électrons, normalement, se repoussent. Ils sont tous les deux chargés négativement. Et ce que vont comprendre les Américains dans les années 60, c'est comment les deux électrons arrivent quand même à s'accrocher, à former des paires, pour former cette vague géante. Ils vont comprendre qu'en fait, ils arrivent à faire ça à travers les vibrations des atomes de la matière. Donc il y a quelque chose quand même d'assez subtil dans ce mécanisme, et qui va être compris que dans les années 60. Également dans les années 60, on attend peut-être ce moment-là, parce qu'il va falloir faire le calcul derrière. C'est-à-dire comprendre comment dans un solide, une fois qu'on a formé une paire d'électrons, toutes ces paires ensemble arrivent à former une vague quantique géante. Et là, on arrive sur de la physique quantique très complexe, parce que c'est de la physique à N corps, où il y a beaucoup d'atomes et d'électrons qui interviennent. Mais ça, c'est la supraconductivité qu'on pourrait qualifier de classique, mais il y en a une à haute température qui, elle aussi, pose encore des problèmes, si j'ai bien compris. Ah oui, alors là, c'est mon sujet favori. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à essayer de la comprendre, cette supraconductivité-là. Donc, en gros, fin des années 60, tout le monde était très content. On avait un des plus beaux modèles, à mon sens, de la physique contemporaine et de la physique des solides, et dont tout le monde est très content, mais qui prédit qu'on n'arrivera pas à faire des supraconducteurs mieux qu'à moins 250 degrés. Donc, quand même pas terrible. 1986, deux Suisses allemands, Bednors et Müller, testent des céramiques qui avaient été pour la première fois en fait synthétisées en France, à Caen, et se rendent compte dans certaines de céramiques qu'on a une supraconductivité qui peut aller jusqu'à 10 fois plus haute température que les supraconducteurs précédents. Et c'est vraiment des céramiques relativement banales, hein, qu'on peut fabriquer avec un four et à peu près avec des produits chimiques d'un laboratoire de bas niveau. On va parler de supraconductivité à haute température parce que c'est une haute température pour les physiciens du froid. Hein. Pour le commun des mortels, on reste vers moins 120 degrés à peu près. Et très vite, tout le monde se met au sujet, hein, ça crée un engouement incroyable, et on se rend compte que c'est un problème assez simple. En gros, cette structure de nouveaux supraconducteurs, c'est juste des cuivres et des oxygènes qui forment des carrés. Donc tout le monde se dit, d'ici 2-3 mois, on aura la solution. Ça fait plus de 30 ans qu'on les a découverts, on n'a toujours pas compris d'où vient la supraconductivité dans ces matériaux-là. Et ça décourage ou est-ce qu'au contraire, ça continue à susciter de l'intérêt, de l'engouement de la part des théoriciens ? Un peu des deux. Ça décourage, parce qu'on se dit, si tout le monde a essayé pendant 30 ans et parmi les plus brillants de leur époque, on va pas y arriver. Ça encourage parce que, entre-temps, et c'est quelque chose que je trouve d'assez fascinant aussi et qui dit plein de choses sur ce qu'est l'histoire des sciences, tous ces théoriciens qui ont développé des tas de modèles qui n'ont pas l'air de bien marcher pour cette supraconductivité, depuis, ont trouvé des applications dans d'autres matériaux. Donc il y a ce côté que rien n'est jamais perdu en science, à mon avis, et que quand on a une bonne idée théorique, même si elle colle pas avec l'expérience qu'on essaye d'expliquer, elle peut coller après dans autre chose et elle peut permettre de développer d'autres savoirs et d'autres matières. Si elle est bonne, elle est vraie quelque part. Je ne sais pas si on a le droit de toujours dire ça, mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est un peu passé dans ce système-là. C'est ce que disait Paul Dirac, je crois. Si c'est pas vrai là, c'est vrai ailleurs. Oui, enfin, en tous les cas, faut chercher. Faut pas la jeter trop vite. Est-ce que vous écoutez de la musique, Julien Bobrov? Un peu, oui. On va écouter un morceau que vous avez choisi, qui parle de froid, je crois. I slept with a dream before I had to go away. It's a bird in the tower, Uncle Ray, all around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. No, don't be a crapping when there's wood in the shed. Bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle of blood. We're in the arms of the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. There's a river. got your barrels taking over the sea. The cattle sleep in the mailbox and they'll never go to town. Bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold. In the cold, cold ground. And a whole box of shoes. Blow the roof off the goat barn, let it roll down the hill. The piano is firewood, Times Square is a tree. Lay down together in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Call the cops on the breedlers, bring the Bible in the wood. Old box of rebel in a box. Make a pile of Trump towers, burn them all down. Bring a dollar with you, baby. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Julien Bobrov, j'ai reconnu Tom Waits. C'est pas très difficile. Oui, Tom Waits avec sa voix caractéristique et qui en plus parle de froid, donc moi ça me va très bien. C'est la raison de votre choix ou oh, a... Oui, c'est la raison et puis mon amour immodéré pour Tom Waits. Alors les noms que vous avez cités de grands physiciens, théoriciens, expérimentateurs qui ont construit, confirmé cette physique quantique sont pour l'essentiel des Européens et des Américains. Mais dans l'histoire, il y a eu des contributions importantes faites par des Indiens notamment, des Japonais aussi. Notamment pour ce qui est des Indiens, un monsieur qui s'appelait Satyendranath Bose, qui a écrit en 1923 un article dans lequel il s'est démontré la loi de ce qu'on appelle le corps noir à partir d'une théorie purement quantique. Il a rédigé l'article dans un mauvais anglais, l'a publié sans avoir le moindre écho, et en désespoir de cause, il l'envoie à Einstein en lui demandant de refaire les calculs et de dire ce qu'il en pense. Et ça va avoir des conséquences énormes. Oui, c'est une histoire incroyable. Einstein non seulement trouve le travail de Bose intéressant au point de le traduire lui-même en allemand et de le soumettre à une revue allemande pour qu'il soit publié. Sous le nom de Bose. Sous le nom de Bose, hein, avec une grande honnêteté. Mais évidemment, il ne s'empêche pas de calculer un petit peu derrière les conséquences de cette statistique de Bose. C'est-à-dire que Bose essayait de calculer comment se comportent des bosons, par exemple des photons. Enfin, hein. Des bosons, à l'époque, on ne les appelle pas bosons. Non, parce que bosons, bien sûr. Ça vient de Bose. Évidemment, très bel anachronisme. Et donc, je ne sais pas comment ils les appelaient à l'époque, mais on les appelle maintenant des bosons. Donc, l'univers est composé de fermions et de bosons. Un électron est un fermion, mais un photon, par exemple, ou certains atomes fermion, sont des bosons. Un fermion, ça vient de Fermi, enfin, d'italien. Exactement. Et donc, Bose essaye de montrer que les photons se comportent de façon assez particulière quand on les refroidit notamment, et peuvent occuper les mêmes niveaux d'énergie, ce qui n'est pas le cas d'électrons par exemple. Et Einstein s'empare de ce calcul-là pour essayer de prévoir ce qui se passerait pour un gaz fait de bosons si on le refroidissait. Einstein se dit, si ce gaz ne devenait pas liquide ou solide, ce qui arrive à tout gaz normalement, qu'est-ce qui lui arriverait du point de vue quantique ? Il découvre cet effet très curieux que d'après son calcul, en dessous d'une certaine température, le gaz soudain devrait former une espèce de vague quantique géante, un peu à l'image de ce que j'ai raconté sur la supraconductivité. Mais il se rend aussitôt compte que cette prédiction n'a pas un grand intérêt expérimental, pour le coup, parce qu'elle ne sera jamais vérifiable, parce que la température qu'il calcule, c'est de l'ordre du millionième de degré. Ou du millième enfin, je de crois degré. Que c'est Paul Ehrenfest, son ami, qui lui a montré que ça avait cette conséquence. Il appelait ça l'indépendance statistique des molécules. Les molécules, comme vous le dites, perdent toute individualité. Et Einstein, quand il voit ça, n'y croit pas. Il dit à son ami, ton ingéniosité est remarquable, mais tes arguments sont très faibles. Et puis, peu de temps après, il va se convaincre que c'est la bonne idée. Et en effet, il va trouver une nouvelle statistique, la statistique de Bose-Einstein, qui a des implications que vous allez nous raconter. Donc, il y a cette implication incroyable qui est de dire, si vous refroidissez suffisamment un gaz, et que vous vous débrouillez pour qu'il ne devienne pas liquide ou solide, il va former une sorte d'atome géant. C'est vraiment ça qu'il est en train de dire. Il va falloir attendre, alors là, encore plus longtemps que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, puisqu'il faut attendre les années 90, pour que des physiciens essayent de réaliser ce gaz expérimentalement. Donc normalement, c'est pas possible, sauf si on sépare les atomes d'un gaz. Si on sépare suffisamment les atomes d'un gaz et qu'on essaye de les immobiliser, ils deviennent froids, puisque la température, c'est le mouvement. Et qu'on peut donc espérer observer cette condensation. Et c'est une histoire qui va prendre des années. On va d'abord avoir des physiciens qui vont essayer de refroidir les gaz, immobiliser les atomes, et pour ça, ils vont utiliser des rayons laser pour interagir avec la matière et freiner les atomes dès qu'ils essayent de se déplacer. Un des grands papes de ça, ça va être Cohen Tanuji, un Français au prix Nobel, qui obtiendra son prix Nobel avec Chou et Phillips. Et puis, suite à ce premier travail, vont arriver en particulier deux équipes américaines, à deux endroits des États-Unis, on est dans le Colorado et au MIT, qui vont essayer d'utiliser ces techniques de refroidissement pour voir si Einstein avait raison. Et là, c'est vraiment une bagarre comme on les adore dans le monde des expérimentateurs, où ils ont en gros les mêmes armes au début, ils ont à peu près les mêmes outils, et c'est à qui va y arriver le premier, si quelqu'un y arrive un jour. Et donc, ils font ça honnêtement, évidemment, chacun publie régulièrement ce qu'il trouve pour que les autres en aient connaissance. Et ils vont quasiment simultanément, à quelques semaines, quelques mois d'écart, arriver à produire un condensat de Bose-Einstein exactement comme Einstein l'avait prévu, alors là, pour le coup, 70 ans plus tôt. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose à notre échelle? Alors, a priori, c'est un objet... Des applications industrielles possibles, ou alors, c'est juste une curiosité qui confirme la mécanique quantique? Alors, dit comme ça, c'est pas très glorieux pour eux si c'était juste une curiosité. Pour moi, ça a déjà toute sa noblesse. C'est-à-dire que si ça ne servait à rien, ça se justifierait quand même. Ah, je pense d'accord. Que, voilà, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Quand même la question. Mais c'est bien de le redire quand même. C'est que, on se fiche que ça ait des applications dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si ça en a, ça serait pas mal. Et ça y est. On commence à aller voir ces applications. Alors, vous allez voir, elles sont un peu indirectes, mais elles sont fabuleuses. Avec ces gaz quantiques, on peut espérer simuler des objets quantiques. Alors, vous allez me dire que la chose se mord la queue, mais il se trouve que si on reprend par exemple mes cuprates de supraconducteurs dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne comprend pas actuellement, on ne sait pas les simuler avec un ordinateur classique. Parce que simuler un calcul quantique, c'est un objet impossible parce qu'il croît exponentiellement avec le nombre d'atomes. Mais avec ces espèces de gaz quantiques, on pourrait s'en servir de ces gaz comme de sorte de calculatrice quantique. C'est-à-dire qu'on rentre en quelque sorte le problème dans la calculatrice, on lui dit « simule-moi des cuivres et des oxygènes qui forment des carrés ». Et on va pouvoir tester ensuite l'effet, par exemple, de la distance entre atomes, l'effet des interactions. On va pouvoir contrôler véritablement les paramètres du problème pour essayer de voir ce qui se passe dans le solide dans lequel on ne contrôle à peu près rien. Et donc, cette vertu de simulateur quantique, elle commence à être mise en place. Il y a maintenant des laboratoires qui savent placer les atomes, qui savent les faire interagir entre eux. Et il commence à y avoir des articles depuis 1 ou 2 ans qui arrivent à trouver des résultats de physique quantique à des problèmes dans les solides qui étaient non résolus jusque-là. Grâce à ces gaz. Donc on utilise des gaz pour comprendre les solides. On perd toujours pied avec la physique quantique. Alors, la physique quantique a d'innombrables applications. On pourrait parler du laser, on pourrait parler de bien d'autres choses, de l'électronique par exemple. Mais dans le domaine médical, il y a une technique archi répandue aujourd'hui qui doit tout à la physique quantique. C'est ce qu'on appelait la RMN avant, qu'on appelle l'IRM aujourd'hui. On a enlevé le N qui... Le N qui fait peur, hein. Le N pour nucléaire, ça sonne pas bien. Nucléaire. Non, non, c'est juste que ça se passe dans le noyau. Alors comment de ça l'atome. S'est fait historiquement cette histoire? Ah, c'est une très belle et très longue histoire. Alors pour la faire brève, on démarre avant les débuts de la physique quantique. On démarre à la fin du 19e siècle, dans le laboratoire de Kamerlingens dont je parlais tout à l'heure, hein, celui qui a découvert la supraconductivité. Et on va s'intéresser maintenant à son étudiant qui s'appelait Zeeman, Peter Zeeman. Et Peter Zeeman profite des vacances de Kamerlingens pour bosser sur un sujet sur lequel il n'avait pas le droit de bosser en temps normal, qui est l'effet du champ magnétique sur les atomes. Quand oui. Le patron est en vacances. Exactement. Et donc il tente cette expérience, juste motivée par la curiosité, motivée par aucun modèle théorique, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, essayer de voir si un champ magnétique a un effet sur un atome. Il va se rendre compte qu'il en a un, qu'effectivement les raies de l'atome sont découplées. Et puis, suite à Zeeman, va y avoir Stern et Gerlach, dont j'ai parlé, qui vont se rendre compte que l'atome porte un spin, et que ça fait ces deux taches d'argent dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis encore après, on va se rendre compte que le noyau d'un atome peut lui aussi porter un spin, un petit moment magnétique. Et puis, arrive la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est intéressant, du côté des expérimentateurs, souvent, malheureusement, on pourrait le dire, les expérimentateurs apprennent beaucoup de choses pendant les guerres, parce qu'on les utilise pour l'armement. Et là, c'est des physiciens du côté des radars qui vont apprendre à manipuler les ondes radio et qui, revenant après la Seconde Guerre mondiale, notamment aux États-Unis, vont essayer de manipuler ces spins, ces petits aimants quantiques, avec des ondes radio. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent les faire pivoter, qu'ils peuvent les faire basculer, qu'ils peuvent les faire remonter. Et en faisant ça, ils inventent la RMN. La RMN, c'est quoi? C'est une façon d'utiliser ces spins comme des sortes de petites caméras quantiques pour voir ce qui se passe autour d'eux. Ça va notamment beaucoup servir aux chimistes pour comprendre comment sont fichues les molécules, hein, parce qu'un atome qui regarde autour de lui voit les liaisons chimiques avec les atomes voisins. Ça va beaucoup servir aux physiciens. Moi-même, j'ai utilisé dans mon laboratoire pendant 20 ans de la RMN pour sonder les supraconducteurs. Et puis, on arrive au début des années 70, et là a lieu une scène assez étrange. Lauterbourg, qui est un chimiste de la RMN, va convoqué par un copain dans un hôpital aux États-Unis pour tester une expérience dont on lui a parlé, qu'aurait trouvé un damadian, qui dit que les cellules cancéreuses ne réagissent pas de la même manière en RMN que les cellules saines. Et donc, ils vont prendre un rat cancéreux, ils vont prendre un rat sain, ils vont les disséquer, ils vont tester, et voir qu'effectivement, le signal n'est pas le même. C'est un signal purement quantique, venant des noyaux, des atomes de la souris, venant même du spin du noyau, ils vont se rendre compte qu'ils ne réagissent pas de la même manière aux expériences. Et là, l'auteur Bourg va se dire, si j'arrivais à faire cette expérience, mais en pouvant localiser d'où vient le signal, je serais capable de dire où sont les tumeurs cancéreuses dans un corps humain. Et c'est là qu'il va manger hamburger. C'est là qu'il va manger hamburger. La légende dit qu'il est dans son restaurant de hamburger, du bon hamburger, hein, du hamburger américain à plusieurs étages. Il faut un certain temps. Voilà. Et qu'il a un petit carnet de notes et il va écrire son idée du moment qui va être une idée un peu astucieuse de jouer sur la forme des champs magnétiques pour pouvoir localiser où se trouverait le signal et donc dire où la tumeur se trouve dans la souris. Là, il va avoir un très bon réflexe, on voit que c'est quand même un Américain. Il va écrire très très vite son idée et il va la faire co-signer par un collègue pour certifier qu'il a bien eu l'idée en premier, telle date, tel jour, telle heure. Il va falloir quelques années pour arriver à fabriquer l'expérience et à tester que ça marche. Il va falloir quelques années encore pour la développer dans le monde du médical. Et vous allez voir, comme la physique quantique se mord la queue, on va devoir utiliser des supraconducteurs pour mettre en place ça dans les hôpitaux, parce que pour que ce système marche bien sur un corps humain, par exemple sur un cerveau, il faut créer des champs magnétiques très importants qu'on ne sait faire qu'avec les supraconducteurs. Donc l'IRM, pour moi, c'est la machine quantique parfaite. Elle a de l'hélium qui refroidit un supraconducteur, qui crée un mouvement quantique perpétuel pour faire un champ magnétique. Et ensuite, on va utiliser le spin quantique des noyaux des atomes pour finalement, à la fin, faire une coupe de votre corps sans avoir besoin de vous découper. Ça veut dire qu'il faut de la physique quantique pour faire fonctionner les instruments de la physique quantique. Exactement. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, qu'est-ce que... Il y a trop d'exemples dans votre livre pour qu'on les traite tous dans cette émission, mais il y a l'histoire de l'effet Hall quantique, qui est peut-être difficile à dire, mais on va essayer. Après vous êtes chaud là. Oh oui, bien on sûr. Peut tenter des choses qui n'ont jamais été dites à la radio. Ah, je crois que l'effet Hall quantique, on va être les premiers. Hein. On va être les premiers, donc essayez de nous expliquer en quelques minutes cette histoire absolument fabuleuse qui pourrait laisser penser qu'il existe des charges électriques fractionnaires. Alors, reprenons au début. L'effet Hall, déjà pas quantique, c'est quoi? Si vous essayez de faire circuler des électrons... Hall, c'est un monsieur, déjà. Hall, c'est un monsieur, Edwin Hall, hein, on est au 19e siècle. Si vous essayez de faire circuler des électrons, il suffit de mettre une pile et ils avancent dans le sens de la pile. Si vous rajoutez un champ magnétique, ça les dévie. Et c'est ça, l'effet Hall. C'est le fait que les électrons ne vont pas tout droit, mais sont un peu déviés. Et il y a un physicien allemand, von Klitzing, qui se dit qu'il aimerait bien mesurer ça dans un bout de métal, mais à deux dimensions, c'est-à-dire un métal tout plat. Il y a des façons de créer des métaux à deux dimensions à l'époque. Il va aller mesurer ça à Grenoble, où il y a les plus grands champs magnétiques qui se font à l'époque. Et encore maintenant, c'est un laboratoire connu de champs magnétiques intenses. Et donc, on est là, avec ce von Klitzing, qui mesure la nuit, hein, pour pas qu'il y ait trop de bruit, avec un champ magnétique énorme, la déviation des électrons. Et là, il observe quelque chose de tout à fait surprenant. Il observe que, quand il mesure cette déviation, il apparaît des paliers. Alors, qui dit palier, dit physique quantique, hein, on a l'habitude de choses discontinues en physique quantique. Mais ce qui est très troublant, c'est que quand il mesure la taille de ces paliers, c'est toujours la même, et c'est pas n'importe quelle taille. C'est le rapport entre certaines constantes universelles. Et alors ça, c'est absolument incroyable, parce que ce qu'il regarde, c'est vraiment un objet qui est quand en même... En gros, la constante de Planck et la charge de l'électron. C'est ça, un rapport entre E au carré et H. Mmh. Ça, c'est très troublant, parce qu'il regarde un échantillon qui est pas très propre, dont les bords ne sont pas bien dessinés, et puis il sait bien que quand il rajoute des impuretés, cet échantillon va être plus ou moins sale. Hein. Pauli, par exemple, disait que la physique des solides, c'était la physique du sale. Donc on est dans une physique du désordre et du sale. C'était pourtant, de la provocation. Il émerge une valeur universelle. Ça, c'est quelque chose de très troublant. C'est quelque chose qui va vraiment contre l'approche réductionniste qu'on peut parfois avoir en physique, qui dirait que si on a compris les quarks et les gluons, on a tout compris. Là, en l'occurrence, on a un effet collectif qui transcende les propriétés du matériau, qui est complètement universel, universel au point où, dès le lendemain matin, von Klitzing appelle un collègue du laboratoire de métrologie allemand. Les laboratoires de métrologie, c'est là où on définit les étalons, pour lui dire, écoute, je crois que j'ai le meilleur étalon du monde pour faire de l'électricité. Puisque j'ai un outil de mesure qu'on peut faire dans n'importe quel labo dans le monde, et qui va donner toujours exactement la même valeur après, avec 10 chiffres après la virgule. Et d'ailleurs, c'est cet étalon qu'on utilise actuellement, par exemple, pour définir les nouvelles unités, définir le kilo, définir l'ampère, etc. Alors d'où ils viennent ces paliers, et d'où elle vient cette valeur universelle? Ça va être compris quelques années plus tard par un merveilleux théoricien anglais, pour le coup, David Thouless, qui va comprendre que, en fait, ces paliers-là viennent de la topologie. La topologie, c'est une branche des maths, qui n'a a priori rien à voir avec la physique, et qui classe le monde en fonction de certaines propriétés qui ne changent pas quand on déforme les objets. Par exemple, les trous. Voilà, des objets à un trou, des objets à deux trous, des objets à trois trous. Et lui repère ce genre de propriétés dans le cas des électrons dans le métal. Alors, c'est pas des vrais trous dans le métal, faut passer dans un espace mathématique un peu différent, on parle d'un espace réciproque. Mais il repère ces propriétés un peu singulières de la topologie. Et donc, il va permettre de comprendre l'origine des paliers. Et ce qui est formidable, et c'est là où la science, je trouve, est intéressante, c'est que, en plus de ça, lui et d'autres physiciens vont vite sentir qu'il y a quelque chose de plus profond à juste expliquer une petite expérience dans un seul laboratoire. Ils vont se servir de ces mêmes outils et de cette même approche pour aller explorer d'autres champs de la science. Et on a tout un nouveau champ scientifique qui naît actuellement, le champ de la topologie en physique, à la fois dans la matière, on a découvert des isolants topologiques, des objets incroyables qui conduisent de courant en surface, mais pas dans le volume. Mais on utilise aussi la topologie maintenant en optique, pour guider la lumière, en sismique pour guider les tremblements de terre. Et on a même découvert certaines vagues à l'équateur. C'est des collègues de l'ENS Lyon qui ont découvert ça, qui vont toujours vers l'est pour des raisons topologiques là encore. Donc une espèce de généralisation de ce concept où là la théorie a une force incroyable qui est, en s'accrochant à une expérience qu'on comprend mal, d'en sentir l'importance, de trouver un outil un peu universel et ensuite d'appliquer cet outil dans d'autres champs de la physique. Est-ce que c'est pas ça le plus beau finalement, de trouver des résultats qui apparaissent par la suite comme des universaux, qui vont dépasser les frontières, les catégories, qui vont coloniser d'autres disciplines? Si, à l'évidence. Et d'ailleurs, Taulès aura un prix Nobel en 2016 pour cette incroyable découverte. Il y aura d'autres prix Nobel même pour l'effet Hall quantique, puisqu'il se trouve que d'autres physiciens, quelques années après von Klitzing à Grenoble, vont refaire l'effet Hall quantique. Et eux vont mesurer quelque chose d'encore plus surprenant. Ils vont remesurer des paliers, sauf que là, les paliers correspondraient à des électrons dont la charge n'est plus la charge de l'électron, mais un tiers de la charge de l'électron. On parle de charge fractionnaire. L'électron, normalement, ne peut pas avoir une charge un tiers. C'est une particule ponctuelle, parfaitement déterminée. Mais dans les solides, il apparaît souvent, je vous l'ai dit, des effets collectifs. Et là, ces effets collectifs ont tendance à transformer l'électron en autre chose. Et ça, donc c'est pas sa charge propre. Non, c'est une espèce de charge effective due à des effets collectifs. Et ça, c'est un grand classique. Mais ces effets sont quantifiés. Oui, ces effets sont quantifiés. Et plus généralement, on a découvert que l'électron pouvait se comporter comme plein d'autres choses qu'un électron dans les solides. On parle d'exciton, on parle de polaron, on parle ici de charge fractionnaire, on parle de quasi-particules. L'électron adore arrêter d'être un électron dans un métal et juste par son interaction avec les autres électrons, devenir une nouvelle particule avec des propriétés originales. Et ces propriétés, ensuite, on peut les domestiquer, y compris pour des applications. Julien Bobrov, j'ai l'impression que tous les héros de votre livre ont eu le prix Nobel. Oui, tous. J'ai essayé de choisir ça comme point commun. Mais le prix Nobel, il a un concurrent qui est le Ig Nobel, une sorte de prix Nobel un peu ridicule. Et vous montrez très bien, en racontant une magnifique histoire, qu'on peut avoir les deux, enfin l'un après l'autre. Le Ig Nobel d'abord, parce qu'on a montré que des grenouilles pouvaient léviter dans un champ magnétique, et puis un peu plus tard pour des histoires de graphène. Oui, c'est la même personne. C'est le même, c'est André Geim. C'est le seul physicien qui a reçu à la fois le Ig Nobel et le prix Nobel, et qui dit d'ailleurs, quand on l'interroge, qu'il est aussi fier des deux. Il n'en choisit pas un plus que l'autre. Mais ce qui est peut-être le plus fort, c'est d'avoir d'abord le Nobel et ensuite le Ig Nobel. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est pas encore ça, fait. Ça c'est vrai, non, ça c'est pas encore fait. Non, non, lui il a eu d'abord le Ig Nobel. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas juste anecdotique. Il s'amuse à faire léviter des grenouilles avec des champs magnétiques dans son laboratoire. C'est quand il est en Hollande, ça. Et c'est lié à une propriété magnétique assez classique, mais personne n'avait pensé à le faire. Donc c'est amusant de le faire. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette expérience, c'est qu'il dit lui-même que c'est une idée complètement saugrenue, qui n'avait rien à voir avec ses vrais programmes scientifiques de l'époque, qu'il avait eu le vendredi soir, parce qu'il avait une sorte de séance le vendredi soir dans son laboratoire où on avait le droit d'avoir des idées saugrenues. Et c'est dans ce même genre de séance qu'il va avoir une autre idée saugrenue plus tard, c'est-à-dire des idées a priori interdites ou farfelues ou qui n'ont aucun intérêt, mais qu'il faut tenter parce qu'on est le vendredi soir. Et cette idée, ça va être, est-ce qu'on pourrait fabriquer un matériau de un seul atome d'épaisseur? Et la réponse des théoriciens est très claire à l'époque, c'est non. Du point de vue thermodynamique, ça va fluctuer, ça va se détruire. Et lui, il dit, par l'expérience, la connaissance, il faut essayer. Donc il demande à un thésard de polir du charbon. Parce que le charbon, c'est des couches d'atomes. Donc il se dit qu'avec un peu de chance, il restera quelques couches d'atomes. Et le thésard revient quelques mois après en ayant péniblement réussi à obtenir 20 000 couches de charbon. Donc c'est absolument ridicule. Mais là, un collègue dans la pièce d'à côté entend ça et lui dit, mais écoute, moi, ce que je fais régulièrement dans mon labo, c'est mettre du scotch sur du charbon et tirer sur le scotch. Parce que j'ai toujours besoin d'avoir des surfaces très propres et donc c'est ma technique à moi. Donc va voir mes bouts de scotch, peut-être que tu vas retrouver des pelures de charbon assez fines. Donc ils vont chercher dans la poubelle littéralement un bout de scotch, ils le regardent sous le microscope, et là ils se rendent compte que la couleur qu'ils observent est caractéristique d'un bout de charbon incroyablement fin qui ferait un ou deux atomes d'épaisseur. Et donc ils découvrent le matériau le plus fin au monde, le graphène, contre toutes les prédictions de l'époque. Alors si c'était que ça, il ne mériterait pas le prix Nobel, mais ce qu'il va faire ensuite, c'est le mesurer. Comme toujours, c'est un peu comme Kamerlingh qui découvre l'hélium liquide, ça ne suffit pas, c'est ensuite ce qu'il va faire avec qui va être intéressant. Et lui, le premier truc qu'il va faire, c'est essayer de mesurer ses propriétés électriques et mécaniques. Et là, il va découvrir que c'est un matériau incroyable. C'est le matériau le plus solide qu'on connaisse, c'est 300 fois plus solide que l'acier. C'est un matériau qui conduit le courant avec une mobilité des électrons comme on ne connaît pas ailleurs, absolument incroyable. C'est un matériau qui, même s'il est très dur, est étirable, on peut l'étirer 20 ou 30% de sa taille. Et puis, c'est un matériau qui présente des propriétés électriques hallucinantes. C'est les propriétés où les électrons, à nouveau, font les malins, ne se comportent pas comme d'habitude. Là, les électrons se comportent comme s'ils n'avaient pas de masse. C'est-à-dire qu'ils suivent en fait les lois de la relativité pour un photon. Et ça, c'est très troublant pour un physicien qui aime bien qu'un électron se comporte avec une énergie qui ferait 1,5 de MV2. Là, l'énergie, elle est proportionnelle à la vitesse. On appelle ça la physique des cônes de Dirac, qui vont découvrir tout un champ de recherche, qui va s'étendre ensuite bien au-delà du graphène, et qui est un champ en pleine expansion actuellement, essayer de comprendre comment des électrons peuvent circuler alors qu'ils n'ont pas l'énergie de d'habitude. Mais est-ce que ce matériau désormais célèbre est complètement compris d'un point de vue théorique ? Non. Il y a plein d'études dessus. C'est un matériau très intéressant, par exemple dans sa réaction au champ magnétique. Lui aussi, il présente de l'effet Hall quantique. C'est un matériau très intéressant dans ses réponses électriques, puisqu'il présente toute cette physique des cônes de Dirac. Et puis, c'est un matériau où on essaye de contrôler les choses. On essaye de contrôler ses propriétés électriques. Et il y a un aller-retour constant, et je crois que c'est quelque chose de très typique, peut-être de ma physique à moi, la physique de la matière condensée quantique, où on a un aller-retour constant entre théorie et expérience, et qui se joue à quelques mois près, où soudain un expérimentateur mesure quelque chose d'inattendu, le donne au théoricien de la porte d'à côté, qui propose un modèle, et qui va refaire faire des expériences à l'expérimentateur, etc., etc. On n'a pas cette espèce de hiatus où une théorie arriverait, et 20 ans, 30 ans, 40 ans après, on mesurerait enfin le boson de Higgs. Les théoriciens avec lesquels vous collaborez, évidemment, connaissent vos expériences. Oui. Et vous connaissez les théories. Exactement. Et c'est ce dialogue fertile qui fait qu'on a une communauté où les deux avancent en fait de front, ensemble, de façon simultanée, et où on a en permanence des problèmes et des questions expérimentales et théoriques, et un va-et-vient entre les deux. Julien Bromboff, il y a quand même un exemple qu'on ne peut pas passer sous silence, on l'a cité rapidement, mais on doit le détailler, c'est le laser, qui est quand même une application de la mécanique quantique absolument remarquable. Alors d'ailleurs, une belle histoire, parce qu'il y a des concurrences, il y a des... Oui, là aussi, c'est une sacrée bagarre, bizarre. Parce que, en plus, là, les physiciens sentent très vite qu'il y a un enjeu industriel et technologique énorme. En fait, le laser, au début, il commence comme une espèce de grosse armoire métallique, qui n'est même pas avec des rayons visibles, qui est avec des micro-ondes, celles qu'on a dans nos fours à micro-ondes ou dans nos téléphones portables, et où on vérifie un effet qui était prédit par Einstein, encore lui, l'émission stimulée. Et ça, c'est fait par des physiciens dans les années 50, qui eux-mêmes, comme toujours, sortaient de l'industrie des radars, et donc savaient manipuler ces ondes-là. On appelle ça le maser. Et très vite, ils se rendent compte que s'ils arrivaient à faire ça avec de la lumière visible, ils arriveraient à créer un rayon de lumière qui aurait des propriétés quantiques incroyables, c'est-à-dire qu'il serait cohérent, il aurait une seule couleur parfaite, il avancerait dans une seule direction et qu'on pourrait visager plein d'applications. Et donc, ils vont se lancer dans la compétition et ceux qui ont fait le maser ont toutes les idées pour faire le laser, toutes les astuces, ils les ont. Ils publient un article donnant toutes les astuces à tout le monde. Mais ils le font pas. Ils essayent, mais choisissent pas le bon matériau, malheureusement. Et c'est un autre physicien, Theodor Meinmann, qui va choisir le bon matériau, c'est du rubis. Lui, c'est un professionnel du rubis, il connaît tout du rubis. Dans le rubis, en fait, il y a des atomes de chrome. C'est eux qui font le rouge du rubis. Et il va se rendre compte que ces atomes de chrome présentent exactement les propriétés quantiques qu'il faut pour les exciter et qui produisent de la lumière laser. Donc il va prendre un petit bout de rubis, il va peindre deux faces de son bout avec de la peinture métallique pour faire des petits miroirs. Il va enrouler ça d'un flash photo de l'époque, un espèce de flash hélicoïdo qu'il y avait, qu'on achetait pour les appareils photo. Et il va balancer un grand coup de lumière. Le flash va exciter les atomes de chrome, qui eux-mêmes vont cracher des photons, qui vont aller rebondir sur les faces métallisées, grâce à la peinture, les uns sur les autres, qui vont se superposer les uns aux autres, faire plusieurs allers-retours, et au bout de quelques millisecondes, cracher cette lumière rouge parfaite. Soudain, Meinmann voit un petit point rouge à l'écran. Il sait qu'il vient de voir pour la première fois un rayon laser. Il publie ça sur une page. Il publie ça sur une page, même je crois à moins d'une page. Il n'a pas besoin d'en dire grand-chose, il dit juste « j'ai vu un rayon laser » pour avoir la paternité de l'effet qui serait évidemment redécouvert par tout le monde. Il a vraiment dit ça, le mot laser existait ? Alors oui, en fait, les autres en avaient très vite eu l'idée parce qu'en fait, il y avait le mot « maser » avant. Et c'était juste de remplacer micro-ondes par light, lumière. Et donc maser devient laser de façon assez naturelle. Alors, quelles sont les expériences qui sont en cours, qui tentent de répondre à des questions ? Parmi celles que vous faites, quels sont celles qui vous excitent ? Quels sont les problèmes non résolus de la physique des solides ? À peu près tous. La physique des solides est à peu près incapable de prédire comment se comporte un matériau. Et quand on mesure les propriétés d'un matériau, après coup, elle essaye de le décrire, mais souvent avec difficulté. C'est comme l'économie. Oui, peut-être. Je préfère la physique des solides. À l'évidence, la supraconductivité à haute température reste pour moi un des grands mystères de la physique contemporaine et un des sujets les plus passionnants. Mais au point que vous pensez que son explication pourrait violer ce qu'on comprend de la physique ? Non. Ou c'est simplement que l'explication nous manque dans le cadre... Alors, je pense que l'explication nous manque, mais si on va un petit peu plus loin, pourquoi est-ce qu'on a du mal à répondre à cette question ? Après tout, c'est des atomes de cuivre et d'oxygène qui forment des carrés, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est parce qu'on a du mal à traiter d'une grande assemblée d'électrons, quand ils interagissent trop entre eux, quand ils se voient trop entre eux. Et c'est ce qui se passe dans ces matériaux-là, on parle de matériaux très corrélés. Et on a toute une classe de matériaux, les matériaux très corrélés, qu'on n'arrive pas bien encore à décrire du point de vue théorique, et qu'on essaye de comprendre du point de vue expérimental et qui révèle plein de propriétés incroyables, pas seulement la supraconductivité, ils ont un magnétisme incroyable, ils ont une thermoélectricité incroyable. Et donc je pense qu'il y a tout un champ de recherche à développer du côté des matériaux fortement corrélés. Et puis je crois que le gros enjeu sinon, c'est essayer de voir l'endroit où la physique quantique dans les gaz, j'ai parlé de simulateurs quantiques, et dans les solides vont se rejoindre. Je crois que là on a un terrain de jeu très fertile, on va pouvoir, avec ces deux objets conceptuellement identiques, mais matériellement très différents, un bout dur dans une main et puis quelques atomes flottant dans l'espace dans l'autre, on va pouvoir, en comparant ces deux champs, à mon avis, apprendre plein de choses sur la physique et la physique à N-core, la physique de tous ces effets collectifs originaux. Il y a un sujet dont on parle beaucoup par ailleurs, c'est l'ordinateur quantique, qui est un objet, un calculateur très spécial, que la théorie permet d'envisager, sans garantir qu'il soit faisable, et que toutes sortes de groupes d'expérimentateurs essaient de fabriquer par des techniques différentes. Est-ce que vous y croyez, vous, à son avènement? Quand on est physicien, on ne va pas dire qu'on y croit ou pas. On va laisser la science. Par exemple, Serge Haroche, au début, disait qu'il n'y croyait pas. Il a changé d'avis. On peut dire qu'on y croit, puisqu'ils existent déjà, sauf qu'ils calculent très peu d'atomes à la fois. Donc, pour l'instant, ils sont très limités. Ils ne sont pas performants. Ils ne sont pas très performants encore. Ils commencent. Je crois que la question plus générale, c'est est-ce que je crois au fait qu'on puisse arriver à faire du calcul quantique? D'accord? Que ça soit un ordinateur ou un simulateur. Et là, j'y crois, puisque ça marche déjà, justement, dans des gaz type condensat de Bose-Einstein. Je crois que ça offre des perspectives vertigineuses et pas nécessairement celles dont on entend parler habituellement. Habituellement, on dit qu'un ordinateur quantique, ça permet de décrypter des cas de choses. Ça n'a pas grand intérêt. Les gens de la banque savent déjà faire des algorithmes post-quantiques qui ne permettraient pas d'être décodés avec ces ordinateurs. Je crois que là où ces ordinateurs peuvent être vraiment utiles, s'ils marchent un jour, c'est pour calculer la quantique, ce qu'on ne sait pas faire avec un ordinateur normal. Et par exemple, calculer les propriétés de molécules. Quand on entend les gens des ordinateurs quantiques, certains disent qu'une des premières applications, ça sera les engrais. Est-ce qu'on est capable de calculer des molécules d'engrais qu'on pourrait fabriquer sans trop les chauffer? Actuellement, il faut chauffer à 600 ou 700 degrés pour obtenir un engrais. Et donc là, il y aurait un vrai impact environnemental si on savait deviner à l'avance, avec un ordinateur, quelles molécules il faudrait fabriquer pour faire de l'engrais. Donc je crois plus généralement que cette question d'arriver à prédire, dès qu'on dépasse le cadre d'un atome ou d'un électron et qu'on en met quelques-uns ensemble, si les ordinateurs quantiques permettent d'avancer dans cette direction-là, on aura une vraie révolution, à mon avis, à la fois appliquée et fondamentale. Mais est-ce qu'on n'a pas encore un cas où la physique quantique se mord la queue? C'est-à-dire qu'il faudrait l'ordinateur quantique pour comprendre comment résoudre des problèmes de physique quantique, par exemple la supraconductivité à haute température. Oui, alors soyons honnêtes, on a passé notre temps à faire ça tout au long du XXe siècle. Si je prends par exemple le microscope à effet tunnel, une autre histoire que j'aime bien raconter, c'est un objet qui utilise la physique quantique pour mesurer la physique quantique. Donc on se dit qu'il se mord la queue, mais il est quand même testé. Ça pose toute la question de l'instrument de mesure, moi que je trouve très riche. Mais à la fin quand même, on est capable avec cet outil de voir des atomes et même de les manipuler et de faire finalement des objets qui servent par exemple à faire les clés USB ou les transistors. Mais vous connaissez parfaitement les problèmes d'interprétation de la mécanique quantique. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mesure? Ça crée des débats incroyables entre Einstein, Bohr et beaucoup d'autres. Est-ce que le fait d'être expérimentateur change la façon de lire ces débats? Ah, c'est une belle par question. Par rapport à une approche plus philosophique ou plus théoricienne? Peut-être. Peut-être qu'on a une approche plus pragmatique. En tous les cas, dans le monde de la matière condensée, on se les pose nettement moins, ces débats. J'entends très rarement parler de ces débats de théorie d'interprétation. J'entends aussi très mais peu parler de... Mais vous parlez de réduction du paquet d'ondes, par exemple, qui est cette contraction de... Oui, ça, on n'hésite pas une seconde. On a notre jargon à nous. On parle très peu de théorie des cordes, on parle très peu de multivers, on parle très peu de gravité quantique ou autre. On est collé aux expériences en physique de la matière condensée. Et je dois le dire, les problèmes qui, moi, me préoccupent le plus, c'est très clairement pourquoi est-ce que la pastille lévite au-dessus de l'aimant, alors que ça fait 30 ans qu'on essaie de le comprendre. Ce que je veux juste dire, c'est que je pense qu'il y a deux classes de problèmes. Des problèmes très fondamentaux, qui touchent à l'épistémologie, qui touchent vraiment au paradoxe et à la philosophie. Et puis des problèmes bien plus concrets, mais qui sont pour moi d'aussi beaux problèmes de physique quantique. Et la lévitation d'un supraconducteur et le problème à N-core posent des très belles questions, y compris philosophiques, qu'est-ce que c'est que l'émergence, mais qui ne sont pas nécessairement les questions dont on entend le plus parler quand on fait de la vulgarisation de la physique quantique. En vous écoutant et surtout en vous regardant, Julien Bobrov, j'ai vu une autre différence entre les théoriciens et les expérimentateurs. Vous parlez beaucoup plus avec vos mains. Ah oui, peut-être, mais ça c'est peut-être moi. Je vous remercie d'être venu nous parler de façon si vivante de ces expériences cruciales. Je conseille la lecture de votre livre « Mon grand mécano quantique », un livre d'histoire, de science, tout à fait passionnant. Je vous remercie d'être venu à la conversation scientifique. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains.